Bonjour Tiffaine, très bon après-midi à vous. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Samuel Beckett est célèbre dans le monde grâce notamment à son prix Nobel obtenu en 1969 et à sa pièce En attendant Godot. Il est pourtant venu tard au théâtre, dans sa quarantaine, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, après avoir exploré les genres de la poésie et du roman. Né en Irlande en 1906 et mort à Paris en 1989, il a connu peu d'aventures à proprement parler dans sa vie, laquelle s'est passée essentiellement, et pour paraphraser Baudelaire, sous la coupole de son cerveau, comme nous l'a expliqué Nathalie Léger au cours de notre émission biographique de lundi dernier. Et puis mardiste avec Bruno Vercier que nous avons tenté de parcourir cette œuvre entre le français et l'anglais en soulignant le travail fondamental de l'écrivain qui concerne l'esthétique de la langue elle-même. Et puis mercredi avec Catherine Nogrette, nous nous sommes arrêtés sur le théâtre et les grandes pièces comme En attendant Godot de nouveau, mais aussi Fin de partie et Oh les beaux jours. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de Beckett et les arts, notamment plastiques, mais pas seulement, nous sommes en compagnie de Guillaume Gévray, docteur en littérature, enseignant au lycée, auteur du livre « Beckett en écho, rapprochement, art et littérature » publié en 2018 aux éditions Lettres modernes Minard. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. It is a great honor for me to have been awarded the Italia Prize for my radio play Embers. I do not ordinarily write for radio, but I think that it is a medium which has not been fully exploited, and that there are great possibilities for writers in this form of expression. Bonjour Guillaume Gévray. Bonjour. Alors, je ne travaille pas d'habitude pour la radio, hein, dit Beckett dans cet archive de 1959, mais c'est un média qui n'a pas été suffisamment exploité. Il y a de nombreuses possibilités pour les écrivains dans cette forme d'expression. Alors, puisqu'on est à la radio aujourd'hui, on va commencer par cette forme d'expression. Il y a trois pièces de Samuel Beckett écrites pour la radio. Est-ce qu'on peut parler d'un rapport avec un autre art ici, dans la manière dont Beckett a appréhendé la transposition ou l'écriture pour la radio? Est-ce qu'on est dans quelque chose de différent par rapport au théâtre, selon vous, Guillaume Gévray? Ce qu'on peut dire, c'est que Beckett, il a le goût de l'expérimentation, ce qui est un goût assez paradoxal quand on s'intéresse à son œuvre qui tend à la réduction, à en finir avec l'œuvre d'art. Et pourtant, il y a cette vitalité, cette variété, non seulement de pratiques artistiques ou même de genre, mais de support, d'espace. Il dit quelque part qu'il veut créer une poésie en suspens dans le vide, dans un nouvel espace. Cette idée de trouver un nouvel espace pour la poésie, on le retrouve au théâtre déjà, on le retrouve dans la radio, à la radio, et puis plus tard à la télévision, même au cinéma. Il y a une sorte de variété technique, même ou technologique, qui est assez étonnante pour cette œuvre pourtant minimaliste. Alors la radio, c'est un espace, pour lui, un espace mental presque. Il va faire parler des voix dont on ne sait pas bien sûr qu'elles soient vivantes ou mortes. Hein, ces voix mortes dont on parlait déjà en attendant Godot. Et puis, l'expérimentation, elle tend à chaque fois, en fait, à peut-être, à sans doute, épuiser les possibilités, exploiter, comme il disait, les possibilités. Mais aussi bien, on pourrait presque dire un peu brusquement, mais saboter aussi le médium. Est-ce que cette volonté de rechercher par les techniques diverses, donc la télévision, mais aussi le cinéma, mais aussi la radio, d'autres manières de s'exprimer, sont là pour indiquer une frustration dans ce qui est au départ son art à lui, c'est-à-dire l'art de l'écrit, ou est-ce que c'est simplement une curiosité? Comment vous analysez-vous ce rapport aux autres techniques, finalement? Chaque fois, la technique, elle consiste quand même dans un renouvellement. Il y a ce goût du nouveau. Dès 45, même ce rapport à la peinture, qui est un autre espace, il a besoin d'un autre espace, une sorte de besoin, de nécessité. Alors, il n'a pas épuisé quand même ni le théâtre, ni la littérature, ni la poésie? En fait, je parlais de sabotage un peu rapidement tout à l'heure. L'idée, c'est de venir chercher chaque fois l'espace d'un presque d'un piège pour le personnage ou pour la voix, et d'essayer de remettre en mouvement justement cette voix qui risquait de s'éteindre, de disparaître, la voix de la poésie même, de cette poésie qu'il recherche tout en s'en méfiant du langage. Il y a toujours cette tension. Et donc l'espace d'expérimentation, c'est quand même l'idée d'une réinvention. Parce qu'autrement, il y a ce fameux empêchement dont il parle face au tableau des frères Van Velde, qui menace toujours, y compris cette plainte assez typique au XXe siècle, d'en finir avec le langage ou l'écriture, et puis s'y remettre toujours, hein, déjà chez Kafka, et puis en art chez d'autres artistes. C'est cette idée quand même de réinventer, non seulement d'ailleurs peut-être la voix, mais un rapport entre la voix et l'image, entre la voix et le corps. Alors justement, à la radio, c'est ça qui est bien dans un sens, c'est que on a le son mais on n'a pas l'image. Et ça devait intéresser beaucoup Beckett, parce que finalement le corps disparaît totalement. S'il est dans une esthétique de la réduction, y compris et d'abord au théâtre, là avec la radio, y a plus de gestes. Il y a un geste par la voix, si on peut dire, en tout cas une manière d'inventer l'image par la voix, d'inventer des situations, et puis de... Je pense à l'un de ses premiers recueils de poèmes qui s'appelle Les eaux d'écho, donc la nymphe écho, qui continue justement de parler après la mort. Il y a tout aussi ce geste-là. Et de continuer d'exprimer un désir de poésie, un désir de vie. Et je répète, il y a ce paradoxe-là, en effet, qui tend vers l'exténuation, même du corps qui était déjà enterré dans Les Beaux Jours avec Winnie, qui va devenir de plus en plus spectral et fantomatique dans les textes comme dans les vidéos, avec cette espèce de va-et-vient d'ailleurs. C'est pas chaque médium en fait épuisé, c'est chacun qui va parfois d'ailleurs influencer l'écriture des textes, donc les textes ou les pièces télévisuelles plus tard, ont rapport à cette disparition d'un corps et à la présence d'une voix qui pourtant le fait réapparaître régulièrement. Paradoxalement, spectralement, ou dans l'espace mental, comme je disais tout à l'heure, le noir de l'esprit, qui est celui, par exemple, de l'espace radiophonique, quand on ferme les yeux et que reviennent des images dont on ne sait jamais exactement s'il s'agit de fantasmes, de souvenirs, d'hallucinations. Et donc un travail, paradoxalement, très visuel, mais par la voix. Est-ce qu'on va vers plus de radicalisation avec les pièces pour la radio, les pièces pour la télévision? Il y a une radicalité chez l'expérimentateur qui cherche à faire le vide, justement, à évider un peu tout ce qui existe déjà. Une radicalité au sens de revenir aussi à l'élémentaire, à la racine, à ce moment où une voix est peut-être en train de mourir ou de renaître, de recommencer à s'énoncer. Et on n'entend plus que cela, justement, parce qu'on n'est pas gêné par le reste. Exactement, et puis ça renvoie peut-être à cette... noirceur justement des vidéos qui suivront, parce que la voix compte peut-être plus que tout, y compris dans l'incertitude de son statut fantomatique ou réel. Et la radicalité, elle est de ce côté-là, elle est du côté en même temps de cette mélancolie, c'est-à-dire de se devenir ombre, pierre, qu'il s'agit de réanimer. Traverser la mélancolie, c'est remettre en mouvement même un simple écho de quelques mots, comme dans un texte d'ailleurs de la fin qui s'appelle Compagnie, la voix illumine aussi, elle remet de la lumière. Donc elle redonne une sorte de positivité in extremis à ce qui était autrement, à ce qui risquait de se noyer dans l'ombre. Incidentally, on the track you just heard, there were no keyboard performances, just the occasional pressing of buttons, the turning of switches. It's fantastic. Thank you. Alors autant Beckett s'intéresse à l'absence d'images à la radio, autant il est admiratif par ailleurs des images. Guillaume Gévray, notamment des peintres, c'est à cela que vous consacrez un grand nombre de pages de votre livre, à ces rapports entre sa littérature et la peinture. Qu'est-ce qui vous a intrigué finalement de prime abord? Quel est pour vous l'enjeu de ce rapprochement entre peinture et littérature chez Beckett? Rapprochement parce que ça dit aussi le va-et-vient, c'est-à-dire la proximité et l'éloignement. Il est très proche évidemment de la peinture comme œuvre, il va voir les œuvres dans les musées toute sa jeunesse et toute sa vie. Il a cette mémoire qu'on dit particulièrement prodigieuse du moindre détail d'un tableau dont il se souviendra quelques dizaines d'années plus tard, à la manière dont il se souvient du moindre poème. Il a cette mémoire à la fois poétique et visuelle. Et puis il y a cette idée aussi bien d'une proximité avec les peintres, sans jamais pourtant devenir lui-même peintre. Il ne doit jamais mettre la main à la pâte comme d'autres poètes du XXe ou du XIXe siècle. Donc il y a cette proximité, même amicale, mais toujours à distance. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est cette inspiration très inattendue de finalement rencontrer l'espace d'un autre désir, d'une autre pratique, pour nourrir, renouveler peut-être la sienne. Alors, c'est justement la citation que vous mettez en début de votre ouvrage, ce qu'il avait dit Beckett à Charles Julliez, qui lui avait dit « Éloignez-vous de vous et de moi ». Donc vous faites des rapprochements, mais qui sont des rapprochements qui doivent garder en ligne de mire l'idée que c'est un rapprochement, mais qui ne va qu'avec l'éloignement. C'est ça, une sorte de circulation, qui d'ailleurs y compris celle de la mémoire de l'art chez Beckett, qui va du plus ancien au plus récent, à l'art contemporain de son époque. Et puis cette idée, je pense tout simplement aussi au rapport avec les frères Van Velde, et avec Bram Van Velde en particulier... Donc des peintres néerlandais dont on dira peut-être qui ils sont, mais poursuivez. Ces deux peintres qui en fait sont à la fois des amis et le lieu pour Beckett d'une tentative d'écrire sur l'art qui est assez rare chez lui, mais qui va justement expérimenter cette distance. Il lui dit à un moment dans une, il parle de ce peintre hollandais Bram Van Velde en disant nous sommes loin l'un de l'autre, quoique réunis à un moment. Mmh. C'est pas seulement géographique ou même affectif, c'est cette idée que la peinture est un autre espace pour Beckett, et notamment chez ces deux peintres, en effet des peintres hollandais qui cherchent à en gros ne plus faire reconnaître une forme, mais montrer la vibration d'une forme qui se dérobe. Donc dans l'abstraction. Qui empêche toute projection imaginaire. Tout ça, Beckett évidemment retrouve toute une modernité à travers cette peinture des frères Van Velde. Et puis il y a cette idée, malgré cet empêchement, puisque c'est le titre de l'un de ses textes, hein, l'empêchement à retrouver une forme, à fixer le réel qui se dérobe, et donc ne laisse plus que des contours en train de vibrer, des traces de vie à la surface, de retrouver cette matérialité du tableau, finalement. Et c'est là où on peut faire le lien alors avec le théâtre de Beckett, par exemple, qui est aussi la recherche de ce nouvel espace, lui-même enfermé, piégé. Il parle pour les frères Van Velde d'un art d'incarcération. Et les personnages de Beckett au théâtre sont enfermés sur cet espace de la scène. Mais pourtant, qui va nous rendre sensibles, d'ailleurs par la voix aussi souvent, comme dans les cris de Beckett sur la peinture, à des traces de vie, des traces de mouvement, à peine sensibles, presque insensibles, à la surface aussi bien de la scène, des corps, ou des mots eux-mêmes. Cette idée d'un presque rien, mais qui nous fait regagner une sensibilité. Il y a cette idée de revenir à l'élémentaire aussi, d'une perception à peine débutante, si on peut dire. Vous diriez que le rapport à la peinture pour Beckett, c'est une manière de respirer dans son propre art. Il y a cette expression à un moment aussi, il dit « chacun son poumon ». Lui la peinture, Bram Van Velde par exemple, moi la littérature. Donc cette idée aussi de la rencontre, on parlait de ces rapprochements entre l'œuvre de Beckett et l'art, il y a cette idée de rencontrer l'autre, et y compris... ici, cette autre pratique qui sera toujours éloignée, toujours celle d'un autre, mais à l'épreuve duquel il se rend compte, bah oui, les problèmes sont communs, notamment en 45, au sortir de la guerre, la difficulté à s'y remettre, tout simplement l'empêchement à se remettre à ce qu'on aime, c'est-à-dire la poésie ou la peinture. Alors, il voyait chez Bram Van Velde le peintre du désespoir total. On pourrait peut-être dire aussi que Beckett, c'est l'écrivain et le dramaturge du désespoir total. Il y avait identification pour ce peintre ? identification, rapprochement, amitié, même assez distante, complicité, mais souterraine, assez discrète. Et ce désespoir, même Brabant de Velde dit à Charles Julliez d'ailleurs qu'il peint l'aveuglement, même carrément, il peint ce qui est aveugle. On le retrouve. Il peint ce qu'on ne peut pas voir. Il peint ce qu'on ne peut pas voir et il fait avec cet empêchement pour essayer d'en faire l'enjeu d'une créativité nouvelle, justement. Si on prend En attendant Godot, par exemple, la première scène, la première réplique, donc quelques années après, il écrit ça à la fin des années 40, au même moment où il écrit ses textes sur Brabant de Velde, la première réplique, c'est rien à faire. Donc c'est l'empêchement aussi. Hein. Estragon, l'un des deux vagabonds qui cherche à enlever sa chaussure, rien à faire, c'est le nihilisme, c'est fini, c'est la mélancolie définitive. Et puis l'autre personnage, d'ailleurs suite à un malentendu, qui confond ce monologue avec un début de dialogue, lui dit « Oui, j'ai souvent pensé à ça, que c'était fini, rien à faire, au sens de l'existence en général, et puis je reprenais le combat. » Donc on a un peu ces deux lectures face aussi bien à la peinture des Van de Velde ou face à l'œuvre de Beckett, comment il cherche à réinventer à la fois un lieu pour le rien, pour même une sorte de quasiment de nihilisme, sinon, et à la fois ce qui vient y faire exception. Mais alors, on pourrait dire ça, cet empêchement, ce rien, on pourrait en parler pour presque tous les peintres abstraits, j'imagine. Qu'est-ce qui, chez les frères Van de Velde, évoque davantage cela que d'autres peintres pour Beckett? Est-ce que vous avez réussi à le cerner ou en avoir l'intuition? Les textes de Beckett sur Brabant de Velde, ils font ce va-et-vient dont on parlait tout à l'heure, très proche de l'œuvre, et puis ils disent « je ne peux pas en parler ». Il y a ces moments d'ekphrasis, comme on dit, de description picturale, qui sont au contraire très, très lucides. Hein. Il y a cette phrase, par exemple, que je reprenais en exergue aussi de mon livre, « On dirait l'insurrection des molécules, l'intérieur d'une pierre, un millième de seconde avant qu'elle ne se désagrège ». Donc il retrouve, il faudrait concrètement montrer cette vibration du contour chez Brabant de Velde, cette manière de baliser, de déformer une forme qui n'est plus reconnaissable, mais qui vibre encore, par exemple, ou chez Geert Van de Velde autrement, ce mouvement infime qui, malgré tout, est de l'ordre d'une puissance sans doute destructrice, mais aussi d'une puissance de remise en mouvement de l'immobilité. Et c'est de ce côté-là, c'est cette vibration-là. Hein, c'est Merleau-Ponty qui parle aussi d'un paradoxe de la peinture comme d'un mouvement sans déplacement, mais qui fonctionne par vibration. Donc, ce que Beckett capte, c'est ce mouvement-là, presque insensible, qu'il va, d'une certaine manière, retrouver dans son œuvre. Nous avons affaire chez Abraham Van de Velde à un effort d'aperception si exclusivement et farouchement pictural que nous autres, dont les réflexions sont toutes en murmures, ne le concevons qu'avec peine. Ne le concevons qu'en l'entraînant dans une sorte de ronde syntaxique, qu'en le plaçant dans le temps. Je note, littéralement entre parenthèses, le curieux effet dont j'ai été témoin plus d'une fois, que produisent ces tableaux sur le spectateur de bonne foi. Ils le privent, même le plus prompt aux commentaires, de l'usage de la parole. Ce n'est point un silence de bouleversé, à en juger par les éloquentes réfutations qui finissent quand même par couler, c'est un silence, on dirait presque de convenance. Comme celui qu'on garde, tout en se demandant pourquoi, devant un muet. La peinture d'Abraham Van de Velde serait donc, premièrement, une peinture de la chose en suspens. Je dirais volontiers de la chose morte, idéalement morte, si ce terme n'avait de si fâcheuses associations. C'est-à-dire que la chose qu'on y voit n'est plus seulement représentée comme suspendue, mais strictement telle qu'elle est, figée réellement. C'est la chose seule, isolée par le besoin de la voir, par le besoin de voir. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Avec cet extrait du texte Le Monde et le Pantalon de Beckett, lu par Marina Moncade. Le Monde et le Pantalon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'un des trois livre de critique d'art. Alors on va se poser la question de savoir si Beckett était aussi un critique d'art, mais peut-être que la première entrée pour essayer de le saisir, de saisir cette question, c'est d'expliquer ce que ça veut dire, Le Monde et le Pantalon. C'est un drôle de titre, alors, Guillaume Gévray. C'est une blague juive, une plaisanterie qu'on retrouve d'ailleurs dans Fin de partie, et qui en gros cherche à distinguer la création de l'homme et la création divine, le monde. Et la fin de cette plaisanterie, c'est le tailleur. Donc, il est question d'un pantalon avec un tailleur. Pantalon qu'on vient chercher. Et le client se plaint du temps que ça a pris. Et le tailleur lui dit, mais oui, d'accord, mais regardez le monde et regardez mon pantalon. Sous-entendu, regardez la catastrophe du monde. Et la moi, perfection, la du perfection pantalon. De mon pantalon. Avec tous les jeux ensuite sur le problème au fondement notamment du pantalon à l'époque. Donc un jeu sur la création, est-ce qu'on peut encore créer même à la suite de cette catastrophe à la fois mondiale, évidemment après la Deuxième Guerre mondiale, et puis la catastrophe de l'art elle-même, comment faire avec cette catastrophe, faire avec cette explosion dont on parlait tout à l'heure, cette insurrection de molécules explosives, comment faire autre chose que simplement un constat désespéré en effet. Et puis, dans la petite citation qu'on vient d'entendre, il y a cette idée de placer dans le temps la chose, qui est une citation de Proust, La fin du temps retrouvé. Et cette idée-là, oui, de tous ces paradoxes de la peinture, du mouvement dans l'immobilité, et puis du temps dans l'espace, même si toutes ces conditions de l'expérience sont mises en cause chez Beckett. Mais c'est cette idée-là de retrouver le temps d'une création, même minimale, même infime, même larvaire, comme il dira, une fois assumée cette catastrophe que subit l'image, et quand même on cherche à saisir la chose se dérobe un peu plus tard, il évoque cette dérobade de l'objet. Alors, Le Monde et le Pantalon, il y a aussi Les Trois Dialogues, et Peintre de l'Empêchement, est-ce que on peut parler de critique d'art pour ses textes? Est-ce que ça l'intéressait, la critique d'art, ou est-ce que finalement il ne regarde la peinture que parce que ça lui permet de réfléchir sur son art propre? À un écrivain qui lui a envoyé quelques textes sur son œuvre, Beckett dit « Vous êtes aussi peu critique que moi ». Donc il ne se place pas dans ses positions, évidemment, dans ce que ça peut avoir de, notamment de surplombant. Ce discours sûr lui pose aussi problème, donc ça donne des textes assez difficiles à lire pour un historien de l'art ou pour un critique littéraire, puisque c'est un va-et-vient à nouveau, sans arrêt, entre dire quelque chose malgré tout de ce qui se dérobe aussi pour les mots, l'œuvre de Braham et Gerwantveld, et puis parler d'autre chose. Mais est-ce qu'il considérait ces textes comme faisant partie de son œuvre, ou est-ce que c'était un petit peu annexe quand même? Parce que là, il y a du sens, enfin, on est quand même dans autre chose que l'esthétique pure. Alors très concrètement, il les publie dans des revues, dans une revue derrière le miroir, et puis comme texte d'accompagnement à des expositions de ses deux amis aussi. En 45, il y a besoin de s'entraider, on a aussi fait de ces textes-là des textes de circonstances. Et donc il s'agit de les publier comme accompagnement, comme geste presque, pour revenir au début, de proximité amicale, même de complicité avec ces deux peintres. Qu'ensuite on retrouve toute une série d'enjeux dans son œuvre. Ce n'est pas explicite, il était question d'une chose en suspens, on parlait de ce désir de mettre la poésie en suspens, à la fois à la radio, au théâtre. On retrouve évidemment des points communs, mais qui sont toujours à distance d'une amitié très particulière, en effet, presque un peu distante. Beckett disait, Godot, c'était un western endiablé, et avait conçu Fin de partie un peu comme une partition musicale. Il était ami à cette époque de Gerwantveld et de son frère Braham van Velde, tous les deux hollandais. Ger était un peintre dans la lignée de Mondrian. Beckett avait écrit Fin de partie comme un tableau de Mondrian, cloisonné géométriquement. Beckett exigeait, pendant les répétitions, que les comédiens donnent le texte comme un instrument joue des notes de musique, reproduisant fidèlement la même note. Ainsi, je devais appeler Clove plusieurs fois pendant le spectacle, et Beckett concevait cet appel comme une note de la partition que je devais reproduire sans me préoccuper de la place de cette note dans l'évolution dramatique du personnage. Je n'ai jamais pensé que Fin de partie doive être montée comme un terrible suspense mettant en haleine les spectateurs. Pourtant, il me semble que Beckett n'a pas non plus écrit là une partition de musique indienne répétitive, et que la situation des personnages n'est pas la même au début et à la fin de la pièce. Un extrait des mémoires de Roger Blin. Est-ce qu'elle est féconde aussi, cette analogie entre la musique et le théâtre, entre le mot et la note de musique pour Beckett? Est-ce qu'il y a des rapprochements là aussi à faire? Il y a un rapprochement du côté de, notamment de cette fameuse méfiance envers le langage, envers la, ce que Deleuze appellera les adhérences du langage au sens, au souvenir, à l'histoire particulière, et donc trouver une manière de recréer de la poésie justement sans cette pesanteur qui consiste à dire quelque chose, tout simplement à signifier quelque chose, comme disent les personnages de fin de partie, il me semble. Donc on n'atteint pas non plus la poésie concrète ou les tristes chez Beckett. Donc il y a en tout cas une composition musicale, oui, sans doute, aussi pour mettre à distance ce risque de dire, de signifier quelque chose. Il y a une fatigue de la signification chez Beckett. Il y a une fatigue du bavardage, du cliché, de tout ce qui vient peut-être, oui, rattacher à des stéréotypes. Et le bavardage et le cliché, est-ce que c'est pas un peu la vie comme elle va justement tous les jours? Est-ce qu'il n'y a pas une négation de la vie telle qu'elle est, à ne pas supporter le cliché et le bavardage? En fait, c'est très varié, comme toujours chez Beckett. Il y a des discussions extrêmement banales, hein, rien à faire, qu'est-ce que tu fais là, etc. Au début, en attendant Godot. Puis il y a un moment, un travail sur, par exemple, l'expression toute faite, le fait de tordre légèrement, de faire vraiment acte de poésie, c'est-à-dire de prendre ces expressions qui tendent au cliché, ou même simplement une sorte de pétrification, cette fois-ci, du langage, pour le remettre en mouvement, soit dans un dialogue, soit parfois comme un poète qui prend une expression... Par exemple, l'expression « tenir compagnie » devient « trouver la meilleure teneur en compagnie possible ». Donc on est dans un jeu à la fois très poétique, qui tend à cette réinvention de presque un nouveau langage, sans parler du passage de l'anglais au français, ce genre de choses, mais aussi bien parfois faire avec ce qu'il y a de plus banal, de plus simple, y compris dans son théâtre. Mais c'est toujours une fatigue d'avoir à dire quelque chose, c'est-à-dire à prendre position finalement sur les choses qu'on n'a pas avec la musique. Quoique, on pourrait se poser la question. Ce qui est intéressant, si on parle même en thème musical de cette écriture, c'est justement parfois sa variété, ses contrastes, ses moments d'exception. La banalité laisse place d'un seul coup à un extrait, à une citation de Milton, de Dante, de Verlaine. C'est aussi intéressant d'avoir simplement l'oreille parfois à un changement de tonalité, même si le sens est difficile évidemment à saisir, il apparaît et disparaît comme tout le reste, mais avoir une oreille musicale pour cette manière dont d'un seul coup le langage se poétise, même au sens le plus traditionnel, c'est-à-dire un petit moment de lyrisme au milieu de l'anti-lyrisme radical. C'est aussi une manière d'être attentif, de réinventer l'attention au moindre signe dont on parlait tout à l'heure. Alors il faut parler aussi d'un autre peintre qui a beaucoup regardé Beckett, c'est Avigdor Harica. Peut-être le présenter très rapidement, mais c'est un peintre qui était un peintre abstrait et puis qui a fini par peindre sur le motif. Et Beckett au départ a été un peu décontenancé, je crois, par cette évolution, et puis finalement il l'a accepté. Est-ce que c'est aussi un écho à son propre travail sur l'abstraction? Et qu'est-ce qui fait, Jérôme Gévray, selon vous, qu'il finit par trouver intéressant de représenter finalement dans une forme de réalisme, bon, évidemment transfiguré par le peintre, mais à partir tout de même d'objets réels. Voilà, qu'est-ce qu'il trouve intéressant finalement là-dedans, selon vous? C'est vrai que Beckett, comme je disais, non seulement il ne prend pas le pinceau ou le crayon, mais son œuvre reste finalement relativement figurative. On retrouve toujours la forme humaine, par exemple, y compris dans cette dimension plus spectrale, presque évanescente. Chez Avigdor Harica, on retrouve aussi ce trait sur le dessin. Il y a des portraits même de Beckett qui tendent à une sorte de vibration du trait, hein, ce qu'on appelle même des repentirs, un peu à la manière dont Beckett aussi se corrige, revient sur lui-même, autre manière de comparer, là, cette fois-ci, écriture et peinture. Et d'une certaine manière, que la chose soit encore présente, le portrait soit encore figuratif, compte autant que ce processus, là, justement, qui soit en l'occurrence plastique, pictural, musical, qui vient faire vibrer, qui vient déstabiliser même notre capacité à reconnaître le visage ou à reconnaître l'histoire qu'on nous raconte, etc. Donc, il y a toujours cette circulation, en effet, de gestes entre figuration, sans doute, et puis ce qui vient troubler cette image. Guillaume Gévray, on va continuer à parler du rapport de Beckett avec les arts et singulièrement avec la peinture juste après la chronique du jeudi que nous propose aujourd'hui Olivier Barbaran. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour Olivier Barbaron. Bonjour Mathieu. Vous êtes poète, mais également inspecteur général de l'éducation nationale, et c'est à vous qu'est choix aujourd'hui notre petite carte blanche du jeudi. Vous avez choisi de nous parler de Beckett sous l'angle de la clarté, un thème qu'on n'a peut-être pas spontanément tendance à accoler à une littérature considérée généralement comme sombre. En effet, cher Mathieu Garrigou-Lagrange, néanmoins je me sens un peu rassuré par ce que j'ai entendu précédemment et qui m'épaulera dans Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que nous sommes d'accord avec un vrai spécialiste. Intérieur sans meubles, lumière grisâtre, telles sont les premières didascalies de fin de partie. Cette lumière grisâtre du théâtre beckettien est rejointe par la description romanesque de Malone-Meur. Quand il dit « je dirais franchement qu'il ne fait jamais clair chez moi, jamais vraiment clair ». Et qu'est-ce à dire sinon qu'il n'y a vraiment pas de couleur ici, sauf dans la mesure où cette sorte d'incandescence grisâtre en est une. Le personnage a d'ailleurs ici valeur emblématique et pourrait bien définir l'auteur. Moi-même, je suis gris. J'ai même l'impression quelquefois de jeter du gris. Les haillons dont on se vêt, le crépuscule d'une route ou d'une masure, le fer des poubelles, la lumière sinistre d'une ampoule poudreuse, tels sont les éléments bien connus du monde de Beckett, identifiables et par lesquels on résume un peu aisément une esthétique, l'absurdité, le désespoir de l'après-guerre, un monde bouché, sans issue, crépusculaire, comme n'en finissant pas de se survivre après une catastrophe, telle que le montre par exemple Fin de partie, une des pièces les plus sombres. Pourtant, Beckett me bouleverse d'autant plus de ne pas se réduire à ce qui serait ici sa caricature. Vous ne prétendez tout de même pas, Olivier, célébrer un Beckett qui serait un Beckett lumineux ? Évidemment non, ou pas tout à fait. Mais toute grande œuvre ne cesse de se compliquer, de se contrarier, de se contredire. Notons d'abord que le tragique beckettien a su aussi exploiter l'atroce et plus classique luminosité du sacré soleil racinien dans « Ô les beaux jours » par exemple, quand les didascalies liminaires réclament pour leur part une lumière aveuglante. Ou bien la fameuse ombrelle dont chacun se souvient, brandie par Madeleine Renaud, ou encore les recommandations maternelles et irritantes adressées par Winnie à Willy, à coups de crème solaire pour éviter de roussir. Oh, je vois, il te reste de ton produit, fais-le bien pénétrer, mon trésor. Le désert, l'aveuglement sont donc aussi des marqueurs tragiques que son théâtre a su explorer, ce que confirme pour moi en prose narrative le terrible cylindre en 1970 du Dépeupleur, évoquant plutôt l'ampoule perpétuelle et sa torture telle qu'elle peut exister dans certaines prisons. Mais je le reconnais, lande bourbeuse ou désert invivable, c'est tout un pour la tragédie. Je souhaiterais plutôt attirer l'attention sur ce qui lézarde les murs et qu'on oublie un peu trop souvent, je crois. Pour prendre un exemple personnel, il m'a fallu assister à la reprise de la mise en scène de Roger Blin d'En attendant Godot en 1980 pour y redécouvrir presque la puissance d'un personnage certes épisodique mais décisif. Il s'agit de l'enfant venant annoncer que « Monsieur Godot m'a dit de vous dire qu'il ne viendra pas ce soir mais sûrement demain ». Ce frais garçon, tel qu'il apparaissait sur la scène, entre les deux clochards, tout velouté dans la lumière, apportait d'un coup un imaginaire bucolique. Il garde des chèvres, il dort dans le foin, fait signe évidemment vers la lecture biblique du nom de Godot. Un ange surgit ici sur scène, d'autant plus émouvant que timide, maladroit, qu'on retrouvera le même et pourtant différent, son frère peut-être sans mémoire, à la fin de l'acte 2. Sans l'annonce, sans cesse repoussée, sans cette sorte de goutte de lait dans le noir, l'attente ne serait pas même possible. Donc ça c'est un exemple de clarté, mais ces moments de clarté chez Beckett, est-ce qu'ils ne constituent pas aussi un piège? Parce que l'espoir chez lui a plutôt tendance à relancer la torture, cette clarté, cet espoir. Est-ce que ça n'est pas un leurre finalement? Vous avez raison, les touches de clarté forment une torture de plus. Mais reconnaissons d'abord qu'il ne les méconnaît pas, que sa langue y est attentive. Et qu'encore une fois, elles explosent dans le texte quand on veut y prêter attention. Il y a régulièrement dans presque toutes les œuvres de Beckett, souvent sous la forme du souvenir, des morceaux de clarté dont la mémoire ne peut se défaire. Dans Malone-Meur, par exemple, ce souvenir de jeunesse. De la montagne aussi me venait une autre joie, celle des lumières éparses, y naissant à la tombée de la nuit, s'unissant en taches à peine plus claires que le ciel, moins claires que les étoiles, et que la moindre lune éteignait. Ou plus loin encore, cette autre natation d'une attention très délicate qu'on ne peut dire inattentive à la beauté du monde. Là dehors, c'est la pleine nuit, avec peu d'étoiles, mais suffisamment pour indiquer que le ciel noir est bien celui des hommes, et non pas simplement peint sur la vitre, car ça tremble, à la façon des vraies étoiles, ce qui ne serait pas le cas si c'était peint. Dans un monde auquel on ne peut se fier, où tout est suspect, la preuve de la réalité est dans le tremblement, preuve de vie qu'on ne peut imiter. voilà qui donne à rêver. Il en va ainsi de la résistance des personnages, de leur extraordinaire ténacité. On sait que le Babil de Winnie ne tient dans Oh les beaux jours qu'à remuer, avec les objets de son sac à main, quelques images enfouies et enfuies de sa jeunesse. On peut, spectateur, selon l'humeur, mépriser un peu cette bouée de sauvetage un peu kitsch ou s'y reconnaître pleinement. L'ironie, doublée d'une profonde compassion, est toujours sur la corde. Ainsi, quand Winnie déclare, à propos de la voix et du dialogue, « Je ne t'embêterai plus à moi d'y être acculé, simplement te savoir là à portée de voix, et sait-on jamais, sur le qui-vive, c'est pour moi, c'est mon coin d'azur. » Malone déjà le mentionnait, « Plus chère des clartés, blafarde, grêlée, moins fatte des clartés, en voilà des effusions. Qu'a-t-elle bien pu durer? 5 minutes? 10 minutes? Oui, pas plus, guère plus, mais il luit encore, mon filet de ciel. » Même Ned et Nag, terrible figuration de l'extrême vieillesse dans leur poubelle, posée à même la sciure, puis le sable où se sont absorbées leurs déjections, le mentionnent. Un après-midi d'avril, tu peux le croire, quoi, que nous sommes promenés sur le lac de Côme. Une après-midi d'avril. Beckett, encore une fois, joue avec le cliché, lac de Côme, fiançailles, barque qui manque de chavirer. Mais quand le silence peut magnifier les mots, leur splendide économie, on ne joue plus. Et Nell déclare, c'était profond, profond. Et on voyait le fond, si blanc, si net. On retrouvera cela encore dans la turne poudreuse de crape, dans la dernière bande. Il a beau s'insurger contre celui de 39 ans, celui qu'il était, dont il écoute le journal intime sur bande magnétique, un souvenir obsédant résiste à son cynisme. Je cite, « Elle a fait oui sans ouvrir les yeux. Je lui ai demandé de me regarder après quelques instants, et après quelques instants, elle l'a fait, mais les yeux comme des fentes à cause du soleil. Je me suis penché sur elle pour qu'il soit dans l'ombre, et ils se sont ouverts, m'ont laissé entrer. » Un vrai lyrisme, donc, perce régulièrement dans l'écriture de Beckett. Tendu, inquiet, incertain, tout ce que vous voudrez, mais qui, dans sa pauvreté, sait saluer la beauté. Il nous demande d'accueillir à notre tour cette beauté, en la respectant sans la sanctifier, sans en faire du kitsch, en la préservant sans l'embaumer, en accueillant la beauté sans en faire un cache-mort, un mensonge de plus. Pour Beckett, nous vivons dans l'épouvantable, mais avec des lambeaux d'azur. Merci Olivier Barbaran de nous avoir fait voir la lumière de Beckett. À bientôt. Vous écoutez toujours la Compagnie des œuvres sur France Culture. Nous parlons depuis lundi de Samuel Beckett et nous sommes avec Guillaume Gévray pour clore cette série par l'exploration du rapport de Beckett avec les autres arts et en particulier avec l'abstraction dont il est l'un des représentants en littérature. D'une part, il s'interroge sur la révolution qu'est l'abstraction, et je pense que alors je sais bien que ça choque nos oreilles parce qu'on croit que c'est une idée de progrès en art, mais ce qui est certain, c'est que il a compris que et la musique et la peinture, et il ne cesse de se lamenter là-dessus, grâce aux grandes révolutions esthétiques, c'est-à-dire la révolution de l'abstraction, on réussit à rompre, à faire une révolution dans l'ordre épictural, et pour la musique, c'est autre chose, mais il envie beaucoup, les peintres et les musiciens, d'avoir des matériaux qui se plient si bien à l'abstraction et à la rupture avec tous les effets de réel. Et donc, il a conscience, je pense, que même Joyce n'est pas... enfin, qu'il y a un retard de la littérature par rapport à ces grandes mutations esthétiques du siècle. Mmh. Et donc, son chemin va être de trouver une voie pour faire accéder la littérature à la hauteur de l'abstraction. Alors, sa réflexion passe par Van Velde, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Oui. Pour la combinatoire, c'est autre chose. Je pense que c'est une des voies auxquelles il a réfléchi parce qu'il adorait les mathématiques, parce qu'il adorait son père, et qu'il n'a cessé dans tous ses... Parce que ce qui est paradoxal, c'est que cette œuvre si rigoureuse, si mathématique, si ordonnée, est aussi une œuvre totalement autobiographique. C'est-à-dire que Beckett n'a rien à dire ni sur Dieu, ni sur l'existence, l'existence ni sur l'homme, il n'a pas de message à délivrer, il travaille à partir de quelques images de son enfance. Et en particulier, il a beaucoup marché dans les collines autour de Dublin avec son père, et ce qu'ils faisaient tous les deux sous la pluie dans ce pays pestiféré, comme il dit, c'est de construire mentalement des équations d'une extrême complexité, de monter, de descendre, de se faire des devinettes, des difficultés, etc. Ce qu'il a raconté dans quelques-uns de ses textes. Et donc les mathématiques sont une des voies pour couper aussi avec l'enchantement littéraire. Extrait d'un entretien avec Alain Weinstein en 1997 de la chercheuse et ancienne productrice aussi à France Culture, Pascal Casanova, disparu l'an dernier. Est-ce qu'il a réussi, Guillaume Gévray, selon vous, Beckett, à faire atteindre à la littérature le niveau d'abstraction des arts plastiques comme telle était peut-être son ambition ? L'abstraction entendue comme processus de, au sens de s'abstraire, de s'arracher à ce que Deleuze, je l'avais dit tout à l'heure, appelle les adhérences aux souvenirs, à l'histoire personnelle, c'est un processus sans cesse réinvesti. Mais en même temps, l'histoire personnelle, comme le disait Pascal Casanova, l'autobiographie est sans cesse présente, même de manière non explicite, chez Beckett. Et pour cause, parce que c'est une sorte de matériau, justement, de la mémoire, qui est de plus en plus le thème, si on peut dire, dont il ne s'abstrait jamais complètement, dans toutes, notamment ses dernières œuvres, où il est question de cet espace de pénombre, où revient l'image, où l'image est faite, on ne sait jamais trop, si on subit le retour d'une image, par exemple, d'enfance avec le père, dans Compagnie, par exemple, qui est un des textes les plus autobiographiques. Et donc cette abstraction, oui, elle tend, en tout cas, à vouloir mettre à distance, en effet, ce qui serait un lyrisme trop directement personnel, évidemment, par toutes ces contraintes, notamment mathématiques, géométriques, qui ont aussi une valeur parfois de... assez angoissante, c'est-à-dire que c'est pas seulement le goût des mathématiques pour eux-mêmes, c'est souvent l'idée de disposer par exemple un espace géométrique, carré ou circulaire, comme un piège à nouveau, comme un quadrilatère de détention, comme dit Beckett pour ces pièces les plus abstraites, géométriques presque, où il est question d'une chorégraphie par exemple, comme dans Quad, d'une chorégraphie... Quad qui est une pièce pour la télévision. Pièce pour la télévision, avec quatre danseurs qui parcourent et épuisent tous les parcours possibles, tous les trajets possibles d'un carré, donc côté et diagonale, en s'évitant au centre. Donc on a un schéma géométrique abstrait, un carré avec des diagonales, sur le texte qu'on pourrait dire de didascalie ou de protocole, de cette pièce pour la télévision qui, en effet, ne donne plus... plus rien du côté d'un sens en effet personnel ou d'une histoire personnelle, mais en même temps maintient de l'affect, de l'émotion, toujours. C'est une géométrie qui est toujours sur le point de faire revenir, renaître une trace d'émotion. Par exemple, ces personnages donc dont on ne voit plus le visage, qui voilà sont impersonnels, si on peut dire, doivent éviter le centre pour éviter d'entrer en collision. Et ce risque de la chute, c'est justement ce qui est au centre, c'est le cas de le dire, d'une vidéo qui pourtant est censée être purement désaffectée, purement géométrique. Donc ce rapport entre la désaffection de la géométrie, un peu à la manière du désert d'En attendant Godot ou d'Olé Beaujour, et puis ce qui vient y faire encore exception, contre toute logique, contre la logique justement de l'épuisement, dont parle Deleuze dans L'épuisé, qui relève non seulement de l'épuisement physiologique de ces corps qu'on voit toujours plus fatigués, mais aussi bien d'un événement d'attention, une exception à la logique de mortel, mortifère ou sans affect, presque inhumaine même. C'est un théâtre qu'on pourrait analyser de manière psychanalytique, selon vous, quand vous parlez des questions d'affect et d'affection, comme s'il fallait les fuir, alors que sans cesse, évidemment, elles reviennent, puisque c'est le matériau de l'enfance dont vous-même, comme Pascal Casanova dans l'archive, admettez finalement, enfin, que c'est tout de même ça qui se joue dans les pièces de Beckett. Il y a un rapport très difficultueux avec le monde, simplement avec le fait de vivre, qu'il faut du coup dévier ce rapport dans quelque chose d'autre, la géométrie, une abstraction justement. Cette idée de refuge qui vient, il parle même, je crois, d'un refuge dans les mathématiques. On parlait c'est pur les mathématiques, ouais. C'est sûr. Et c'est cette idée, oui, d'aller... d'aller explorer cet espace-là d'un retrait toujours plus à l'écart du monde. Hein. Ce sont des personnages plus protégés. Et puis, on parlait d'abstraction dans ces pièces pour la télévision, donc à partir des années 70-80, il y a très souvent des personnages extrêmement, enfin explicitement mélancoliques, qui sont dans un coin, repliés sur eux-mêmes, dans leur chambre, tel Buster Keaton dans le film aussi, il fuit la caméra, cet autre piège. Donc dans le film qui s'appelle Film, oui, pardon, il faudra dire aussi un mot sur ce film de Beckett. En 1965, donc Film, Buster Keaton fuit cet œil de proie, comme dit Beckett, de la caméra, donc un autre piège, se replie chez lui, vraiment comme un mélancolique pur et dur, si j'ose dire, et même au sens le plus fort de la mélancolie, c'est-à-dire se confondre même avec cette désaffection, même s'identifier à une pierre, à un déchet ou à la mort elle-même. Or, ce repli sur soi, ce refuge hors du monde, c'est aussi une manière de retrouver un début de... Parfois le désir à nouveau de retrouver le monde ou de recréer une compagnie, même avec ses souvenirs ou avec l'autre qu'on hallucine. Donc c'est à la fois un repli, un refuge, y compris du côté de ces formes très très désaffectées, mais aussi l'idée toujours de retrouver un goût, un désir même minimal de vivre, et de ne serait-ce que se souvenir. Qu'est-ce que l'image animée, donc le film, apporte au fond à l'art de Beckett? Il est allé chercher quelque chose d'autre, probablement en allant explorer du côté du cinéma. Bon, c'est juste une incursion, parce que il n'y a pas d'autres répliques après film de cette manière de travailler. Mais qu'est-ce que ça apporte selon vous, Guillaume Gévray? Alors le cinéma, c'est pour lui le lieu du mouvement, la caméra en mouvement. Alors que la vidéo, il y a moins ces deux éléments, hein, puisqu'il va travailler aussi pour la télévision à partir de 66. Ça va être au contraire le plan resserré sur le visage, comme s'il fallait jouer sur chaque fois le matériau en lui-même, le médium plutôt en lui-même, c'est-à-dire l'écran de la télévision, c'est la tête, le visage. L'écran de cinéma, c'est le mouvement. Un mouvement de fuite pour Buster Keaton. Et dans la télévision, toujours cette idée, oui, d'un équivalent de l'espace du crâne, comme il dit, de l'espace mental. Donc ça va être la pénombre, ça va être des apparitions, disparitions de visages, de corps, de voix, parfois, dont on se demande quel est leur rapport à ce qui est devant nous, justement, à ce qui se présente. C'est revenir à une sorte de dispositif qu'au fond est celui de toute son œuvre, même si elle est chaque fois un peu, évidemment, pas spécifique, c'est-à-dire un corps enfermé et une voix. Et quel est le rapport entre tout ça? Et au lecteur de rechercher le lien entre cette voix qui peut être un souvenir, qui peut être une voix intérieure, qui peut être la voix d'un autre, plus ou moins mélancolique, pervers parfois, qui vient confirmer le piège, en l'occurrence de ce corps enfermé dans l'écran ou à la surface de l'écran. Et parfois cette voix poétique dont on a parlé tout à l'heure, qui d'un seul coup crée des exceptions, des respirations là où tout était étouffé, une issue là où tout était refermé. Et on va retrouver, c'est peut-être ça aussi l'étonnant, non seulement cette espèce de modernisme qui voudrait dire que chaque support est étudié en lui-même, mais il y a une circulation ensuite. Et on revient au texte à partir de la vidéo ou de film, à savoir un espace de la pénombre, du souvenir, du retour, par exemple d'une image dont on n'est même pas sûr que ce soit un souvenir, et toujours la voix qui va permettre peut-être de remettre en mouvement, de recréer une lumière, comme on disait tout à l'heure. Je pense à un texte qui s'appelle « Mal vu, mal dit ». On a vraiment cet élément-là, le voir et le dire, l'audiovisuel, tel qu'il l'a expérimenté dans les films, dans la vidéo, enfin, dans les vidéos. Et au milieu de ce champ circulaire, en l'occurrence un champ de caillasse, vraiment un désert, un fantôme noir qui passe, un peu comme dans certaines vidéos de l'époque. Puis au milieu de tout ça, le texte dit « brume dormante, radieuse, ou se fondre en paradis ». Donc à nouveau une exception. Et d'une certaine manière, cette idée de jouer avec l'attention du lecteur, de l'éprouver, de lui créer vraiment des images déprimantes, mais qui puisse éventuellement, en effet, buter ou se réinventer à l'épreuve de ces rencontres dans le texte ou à la surface de l'écran, parfois. Et à la fin, quel est l'effet produit, selon vous, sur le regardeur aussi, ou sur le lecteur? Est-ce qu'on sort de la lecture de Beckett ou du visionnage de films très différent de ce qu'on était avant? Alors, on est loin de l'idée d'un réveil, d'une anesthésie, comme chez Artaud ou Brecht, ou ce genre de grands prédécesseurs. Est-ce que la lumière, la clarté, comme disait Olivier Barbaran, nous atteint? C'est plutôt un mirage furtif, souvent. Enfin, une sorte de... On n'est d'ailleurs pas bien sûr d'avoir vu cette trace de positivité. C'est essentiellement des images lugubres. Enfin, c'est quand même la grisaille, la pénombre. Il est difficile de ne pas ressentir ça. C'est la première lecture. Et je crois qu'il y a besoin peut-être de plusieurs lectures. C'est une œuvre qui, parce qu'elle se défait, se dissipe même parfois, nous fait peut-être y revenir ou nous arrêter à nouveau sur un mot plutôt qu'un autre, comme s'il fallait bien s'impliquer comme, comme sujet de désir, quoi, comme lecteur à nouveau, quoi. Et vous-même, quand est-ce que vous retournez à Beckett? Alors évidemment, c'était votre travail, donc c'est toujours un peu biaisé, mais qu'est-ce qu'on va chercher finalement dans ces textes en tant que lecteur? On va y chercher ses perles, comme disait Beckett lui-même, d'ailleurs, dans des textes de jeunesse, où le français, pour lui, c'était la langue de la concentration, justement, du mot concentration poétique. Donc c'est un poète, peut-être, qui cherche d'autres espaces, mais qui retrouve la poésie sans arrêt. Et puis ce que je vais chercher d'ailleurs comme enseignant au lycée, puisque c'est un programme du bac, ou les beaux jours, peut-être ce travail sur l'attention, justement. C'est peut-être ça, cette idée-là. Une élève me dit récemment, c'est très ennuyeux, mais ça nous oblige à être attentifs. Voilà, donc c'est un bon point de départ. Un homme, geste familier, il plie et déplie son mouchoir. La scène représente un désert, éclairage éblouissant. Action. Projeté à reculons de la coulisse droite, l'homme trébuche, tombe, se relève aussitôt, ses poussettes réfléchies. Coup de sifflet, coulisse droite. Il réfléchit, sort à droite. Rejeté aussitôt en scène, il trébuche, tombe, se relève aussitôt, ses poussettes réfléchies. Coup de sifflet, coulisse gauche. Il réfléchit, sort à gauche. Rejeté aussitôt en scène, il trébuche, tombe, se relève aussitôt, ses poussettes réfléchies. Coup de sifflet, coulisse gauche. Il réfléchit, va vers la coulisse gauche, s'arrête avant de l'atteindre, se jette en arrière, trébuche, tombe, se relève aussitôt, ses poussettes réfléchit. Un petit arbre descend les cintres, atterrit. Une seule branche à 3 mètres du sol, et à la cime, une maigre touffe de palmes qui projette une ombre légère. Il réfléchit toujours. Coup de sifflet en haut. Il se retourne, voit l'arbre, réfléchit, va vers l'arbre, s'assied à l'ombre, regarde ses mains. Des ciseaux de tailleur descendent des cintres, s'immobilisent devant l'arbre à 1 mètre du sol. Il regarde toujours ses mains. Coup de sifflet en haut. Il lève la tête, voit les ciseaux, réfléchit, les prend et commence à se tailler les ongles. Les palmes se rabattent contre le tronc, l'ombre disparaît. Il lâche les ciseaux, réfléchit. Était bien attentif à cet extrait d'Actes sans parole interprété par Roger Blin, Guillaume Gévray. C'est presque la description d'un dispositif. Il y a quelque chose qui rappelle évidemment l'art contemporain. Est-ce que ces liens, vous les faites aussi? La notion de dispositif, elle permet de sortir à la fois peut-être de celle du genre et même de celle d'un support. C'est-à-dire qu'on a vu qu'un corps en mouvement ici, une voix, un espace qui est celui d'un piège souvent, ça suffit, ce sont les éléments qu'on va retrouver à la fois au théâtre, au cinéma, dans les textes même, et pourquoi pas même dans une installation, au sens où ce qui va être intéressant pour Beckett, comme pour d'autres artistes, c'est d'interroger ses limites de l'œuvre, finalement. Où est-ce que s'arrête une œuvre? À quel moment est-ce qu'il y a encore des limites à ces œuvres qui, d'ailleurs, chez Beckett, se ressemblent beaucoup, sont une sorte de, parfois, de grande proximité. Ce qui est peut-être intéressant, par exemple, dans les espaces décrits par Beckett, c'est qu'on ne sait jamais exactement où on se situe. Et ce trouble qui concerne les repères, finalement, cette perte de repères sécurisant quant à l'espace de l'œuvre, c'est ce qu'on va retrouver souvent dans des installations. Alors, chez Beckett, on a parlé du Dépeupleur ou d'autres textes où les questions à la fois de l'espace, une rotonde. Alors, on peut expliquer justement le Dépeupleur, de quoi il s'agit. Le Dépeupleur, c'est cet espace, donc, qui est considéré comme un cylindre, il me semble, avec des chercheurs qui chacun mène sa recherche énigmatique jusqu'au bout, avec tous les sens possibles qu'on peut donner à cet espace, en effet carcéral lui aussi. Mais c'est surtout l'idée dont peut-être du trouble quant à l'échelle, finalement. Où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est à l'intérieur d'un espace mental, d'un crâne, puisque d'autres textes parleront de rotonde, par exemple, d'une manière un peu allégorique, d'interroger l'imagination, ou au contraire, un espace qui peut renvoyer à des réalités même historique, hein, l'expérience concentrationnaire par exemple. Donc comment interroger dans cette clôture de l'œuvre qui continue, il y a encore des œuvres bien sûr, hein, c'est pas une performance qui sortirait des limites habituelles de l'œuvre, mais comment interroger à la fois la lecture, l'interprétation, l'émotion et puis d'autres espaces, mais en laissant ouvert cette possibilité d'interprétation. Et ce côté expérimental qui chaque fois réinvente les paramètres de la lecture évoque aussi en effet ces dispositifs qu'on retrouve dans l'installation, qui souvent vient d'ailleurs d'une déconstruction de la peinture, donc qui cherche à réinventer une attention à l'œuvre nouvelle, quitte à circuler entre des éléments ou à interroger cette hétérogénéité. Et le dépeupleur commence ainsi, « Ces jours où des corps vont cherchant chacun son dépeupleur ». C'est programmatique. Oui, il y a déjà à la fois l'espace dans son aridité de désert, il y a déjà la poésie, tout est dépeuplé de Lamartine. Il y a cette idée, oui, de, comme on parlait de l'empêchement aussi comme une vertu peut-être créatrice, ici le dépeuplement comme un processus qui n'en finit pas et qui restera mystérieux pour chacun d'ailleurs. Alors vous citez aussi Guillaume Gévray, d'autres artistes proches de nous, François Morlaix par exemple, pourquoi ? Dans cette idée que, d'une part, des artistes ont choisi la contrainte, ici la contrainte géométrique chez François Morlaix, pour mettre à distance ce lyrisme dont il s'agit de réinventer, en effet, le mouvement. Chez François Morlaix, c'est cette idée très simple, on a parlé tout à l'heure des mathématiques, de la géométrie, sans doute comme un refuge, oui, bien sûr, pour une sorte de ressassement obsessionnel, mais aussi bien ici comme une manière de laisser venir certaines trahisons, c'est-à-dire qu'à un moment de l'œuvre de Morlaix, la contrainte géométrique qui consiste en gros en série de cercles par exemple, de formes géométriques qui vont se combiner suivant un ordre qui n'est plus qui ne relève plus du choix ou du désir de l'artiste. Donc cette mise au dehors par la contrainte vient retrouver un affect, un fragment de bois un peu inattendu, l'humour d'un titre avec des échos plus ou moins obscènes, par exemple. Donc cette idée que la géométrie s'affecte, qu'on peut commencer par cette espèce de mise au dehors de soi, comme dans l'œuvre de Beckett, de plus en plus géométrique et mathématique, mais pour nous rendre sensibles à nouveau à ce qui remonte, ce qui revient, comme un affect inattendu, comme un événement d'attention. Et vous citez Duchamp aussi, pourquoi cette fois ? Duchamp, l'autre bout, c'est juste dire du siècle, dans cette idée, cette fois-ci aussi d'un encore plus radical, peut-être d'un abandon de l'œuvre, ce qui revient beaucoup, cette tentation de l'abandon, en finir avec cette... Parce que Duchamp abandonne la peinture pour le ready-made, et finalement, accepte une forme d'échec dans la peinture. À nouveau à première vue, dans cette idée d'un abandon, en l'occurrence ironique, même sarcastique, qu'on croise parfois chez Beckett, un texte qui s'appelle « D'un ouvrage abandonné », donc il est dans cette idée de lâcher, d'abandonner en effet l'œuvre d'art, sauf que cet abandon de la peinture chez Duchamp, il est très problématique. Et c'est là où je reviens à cette idée d'une sorte de, à la fois d'aporie et puis qui donne le mouvement de ses œuvres. On abandonne et on y revient sans arrêt. Et en fait, Duchamp revient à la question de la peinture par le grand verre, qui est une évocation, pourquoi pas, des techniques de la Renaissance, par un travail presque artisanal sur le matériau. Donc, jusqu'à étant donné, où la question du regard à nouveau et du voyeurisme du spectateur est mis en jeu. Donc, la question de la peinture abandonnée, mais pas complètement, une sorte de double mouvement qui est aussi un peu celui de Beckett. Abandonner la littérature, la poésie et revenir chaque fois dans un autre espace. Merci beaucoup Guillaume Gévray de nous avoir montré comment il fallait aussi voir de manière interdisciplinaire l'œuvre de Samuel Beckett. Je rappelle que vous avez publié aux éditions Lettres modernes Minard, l'essai intitulé Beckett en écho, rapprochement art et littérature. C'était en 2018. La Compagnie des œuvres est une émission de Didier Pinault, Anne Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Adèle Caglard. Demain, c'est Manu Farine que vous retrouverez à cette même heure pour la Compagnie des poètes. Et dans un instant, vous retrouverez les sciences sur France Culture.